crapaud, dès la nuit glauque sous la lune de fiel. Et d'or, c'est lui là-bas, dans les roseaux, la morne bouche à fleur des eaux qui rauque. Là-bas, dans les roseaux, ses yeux immensément ouverts sur les minuits de l'univers. C'est lui dans les roseaux, le vieux crapaud de mes sanglots. Quand les astres à l'horizon semblent des taches de poison, écoute, il sera dû faire par l'étendue. C'est lui, cette même voix entendue, toujours là-bas dans les roseaux. Monotone à fleur des eaux, monotone comme des gonds, monotone s'en vont les sons, monotone par les automnes. Ne sont pas assez longues pour que tarisse avant le jour profond. Les mornes sont et leur diphtongue lente et longue. Ni les hivers assez mordants avec leur triple rang de dents, gel, givre et neige, pour que ne monte plus en long cortège les lamentables lamentos du vieux crapaud de mes sanglots. Il rauque.